Chaque jour qui passe me lasse un peu de tout. Et chaque jour s'efface en place à chagrin d'amour. Et chaque bisou me laisse un peu rêveur de nous deux. Un peu rêveur de nous deux. Un peu rêveur de nous deux. Et chaque jour qui passe une trace laisse sur mes joues. Et chaque jour s'efface la larme séchée par ton souffle. Et chaque bisou me lasse alors du tout pour le tout. Du tout pour le tout, on fera le tout pour le tout. Laisse-moi un souvenir de toi. Je veux immortaliser ce moment. As-tu une capote sur toi? On le fera loin de tous ces regards. On ne sera que toi et moi. Viens du plaisir, on prendra. J'ai pensé qu'après qu'on ait dansé, on pourrait bien baiser. Vas-y bébé, lèche mon torse. J'ai pensé qu'après qu'on ait dansé, on pourrait bien baiser. 55 plus 14. 55 plus 14. Et chaque jour qui passe, on s'embrasse un peu partout. Et chaque jour s'efface et devient de plus en plus cool. Et chaque bisou laisse croire au destin qu'on est un couple. Qu'on est un couple, au destin qu'on est un couple. Et chaque jour qui passe, une trace peut laisser un doute. Et chaque jour s'efface vite un peu comme notre amour. Et chaque jour fera oublier notre toujours. Oublier notre toujours. Notre toujours. Laisse-moi un souvenir de toi. Je veux immortaliser ce moment. As-tu une capote sur toi? On le fera loin de tous ces regards. On ne sera que toi et moi. Viens du plaisir, on prendra. J'ai pensé qu'après qu'on ait dansé, on pourrait bien baiser. Vas-y bébé, lèche mon torse. J'ai pensé qu'après qu'on ait dansé, on pourrait bien baiser. 55 plus 14. Laisse-moi un souvenir de toi. Je veux immortaliser ce moment. As-tu une capote sur toi? On le fera loin de tous ces regards. On ne sera que toi et moi. Viens du plaisir, on prendra. J'ai pensé qu'après qu'on ait dansé, on pourrait bien baiser. Vas-y bébé, lèche mon torse. J'ai pensé qu'après qu'on ait dansé, on pourrait bien baiser. 55 plus 14. 55 plus 14. 55 plus 14. 55 plus 14. 55 plus 14. 55 plus 14. 55 plus 14. 55 plus 14.